Histoire de Daughter Cops. Histoire de Gascons. Histoire de paysans, d'hommes de la lana. Valens, enta hapusa l'oublat, l'oumioc, et enta hapicha la yeme, en los cutiots, enta vive. Enta vive. Et quand arrivait à la Saint-Martin, l'oumeste passait en les bordes, en tas hapaga l'oumeteillatia. En este temps, les paysans et les yemes travaillaient à meitat. Et quand l'oumeste arrivait, coucaevaya le meitat doublat, du milloc. De les saucos, de le yem, de tout à te, que ne hacebe pas à re. Que ne hacebe pas à re. Et yo, mes déhères, salut, c'est tout à coup.